reviendra mort, non ne pleure pas. S'il te plaît ne me retiens pas. Je m'en vais rejoindre celui en qui je crois. Je sais que les anges m'ouvriront la voie. J'irai rejoindre mon oncle Claude là. Quand viendra mort, non ne pleure pas. S'il te plaît ne me retiens pas. Je m'en vais rejoindre celui en qui je crois. Je sais que les anges m'ouvriront la voie. J'irai rejoindre mon oncle Claude là. Souviens-toi de moi lorsque je partirai. Souviens-toi de mes rires, n'aie nul regret lorsque je me retirerai. Souviens-toi de tout ce qu'on a construit. Souviens-toi de nos rêves, souviens-toi que seule la vie nous instruit. On part comme on vient, ni on est venu, ni on revient. Il est certain qu'on n'emportera rien, ni or, ni bien. Ni même les larmes de nos proches, c'est certain. Ni même les cris, les douleurs arrachées à certains. On part comme on est venu, on n'est jamais en retard. Quand son heure est venue, c'est tout vu. Souviens-toi de ma venue, quand viendra mon heure, ne pleure pas. S'il te plaît, ne me retiens pas. Quand viendra mon nom, ne pleure pas. S'il te plaît, ne me retiens pas. Je m'en vais rejoindre celui en qui je crois. Je sais que les anges m'ouvriront la voie. J'irai rejoindre mon oncle là. Quand viendra mon nom, ne pleure pas. S'il te plaît, ne me retiens pas. Je m'en vais rejoindre celui en qui je crois. Je sais que les anges m'ouvriront la voie. J'irai rejoindre mon oncle là. Mon assurance, vie, Christ en moi, l'espérance de la gloire. Ce qui définit la suite après mon départ. Mon testament en est donc dépendant. Je peux pas croire que mon Dieu peut me laisser choir. Donc j'ai pas d'inquiétude pour le reste. La mansuétude de Dieu mon reste. Combien sont morts sans dire ce qu'ils pensent. Combien ne sont que des échos du silence. Quand j'y pense, j'aurais quand même pu livrer au monde ce que j'ai de plus cher. Jésus-Christ, mon être cher. Car quand aux yeux toucherait mon enchère, c'est couronné de succès que je partirai dans la gloire. Non, non, ne pleure pas, s'il te plaît, ne me retiens pas. Je m'en vais rejoindre celui en qui je crois. Je sais que les anges m'ouvriront la voie. J'irai rejoindre mon oncle là. Quand viendra mon nom, ne pleure pas. S'il te plaît, ne me retiens pas. Je m'en vais rejoindre celui en qui je crois. Je sais que les anges m'ouvriront la voie. J'irai rejoindre mon oncle là. Quand viendra mon heure, je m'en irai. Fier d'avoir existé, je m'en irai. Sans regret, laissant les bobines de ma vie, de mon passé. Mon histoire et tous mes cahiers. Et qui sait si un film ne sera pas tourné sur grand écran, suivi de succès. Je m'en irai par chemin de toute la terre. Puis soudainement mon esprit s'envolera dans les airs. Je sais que les anges m'ouvriront la voie. J'irai rejoindre celui en qui je crois. Quand viendra mon nom, ne pleure pas. S'il te plaît, ne me retiens pas. Je m'en vais rejoindre celui en qui je crois. Je sais que les anges m'ouvriront la voie. J'irai rejoindre mon oncle là. Quand viendra mon nom, ne pleure pas. S'il te plaît, ne me retiens pas. Je m'en vais rejoindre celui en qui je crois. Je sais que les anges m'ouvriront la voie. J'irai rejoindre mon oncle là. Quand viendra mon nom, ne pleure pas. S'il te plaît, ne me retiens pas. Je m'en vais rejoindre celui en qui je crois. Je sais que les anges m'ouvriront la voie. J'irai rejoindre mon oncle là. Quand viendra mon nom, ne pleure pas. S'il te plaît, ne me retiens pas. Je m'en vais rejoindre celui en qui je crois. Je sais que les anges m'ouvriront la voie. J'irai rejoindre mon oncle là.